Notre objectif, pas finir dans le trou qui accueille les rappeurs en fin de parcours. En attendant parcours, les formes de mon corps, c'est bien moi, une idée en tête. Le rap, je m'y accroche, fais la fête pendant que sur ma feuille je gratte et frappe mon mur. Quand l'inspiration s'est fait la malle, mes résultats nourrissent ma tâche et disent la vérité. Objectif, champion du rap, game. Et même si on nous dit try again, pas grave, recommence quitte à ce qu'on saigne. Nos pensées, à force de rimer, capte la dégaine de Camaro. Et même si t'es bien sapé, ça te sert à rien pour bien chanter. À poil, je chante mieux que ce bouffon et ses toiles en or. Pourtant je vis normal et lui touche les étoiles. Et mon objectif, le dépasser et de beaucoup rimer et finir premier, recevoir la coupe. Les meufs qui vont avec, elles sont où? C'est ça notre objectif, on s'arrache pour y arriver. Pas finir dans une tombe marquée RIP. Non non, rapper, c'est ça notre objectif. Notre objectif, devenir rappeur sans malheur, mais avec bonheur, à la bonne heure. On n'est pas wanted, on n'a pas d'aide, on fait avec ce qu'on a, sans argent. C'est pas grave qu'on passe, sinon marave, on s'en fout de se faire gonfler, car après, on pourra rebeller. Notre objectif, le respect, ça ressemble à ça, impossible de rapper ou de rivaliser. Si t'es pris pour une merde, t'auras un public de merde. Sans ça, aucune ambiance, on monte sur la piste de danse, on enflamme les planches et ta femme se déhanche. La mission, notre son s'étend, on chante, tu nous entends, ce rap pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement, le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission. La mission, notre son s'étend, on chante, tu nous entends, ce rap pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement, le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission. Notre objectif, être connu par le rap, pas parce qu'on tape, car du talent on en a, depuis le placenta, on rime jusqu'au au-delà, on veut être tranquille, ça a l'air facile, mais quand les mecs critiquent, ça nous énerve, ma clique, ça mériterait qu'on les attrape et qu'on les tape, mais je te rappelle notre objectif, être connu par notre rap et pas parce qu'on tape, et alors les barbeaux, on les oublie de l'ADL, c'est juste des barbeaux qui jouent à les machos, tandis que nous, c'est pas pareil, on fait du son qui pique comme les abeiles, avec nos styles, t'aimes pas, alors file, notre objectif, que t'écoutes ça, et je crois bien que c'est réussi. Puisque t'entends ça, la mission. Notre son s'étend, on chante, tu nous entends. Ce rap pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement. Le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission. La mission, notre son s'étend, on chante, tu nous entends. Ce rap pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement. Le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission. Prends le vent en l'occurrence pour les râleurs, c'est pas de chance. Je m'arrache et j'avance, je vois que dans le monde y'a la déchéance. Mais je laisse passer, moi je préfère me concentrer à taper mes rimes enchaînées pour sortir du noir. J'ai enfin pu voir un bout de vraie gloire. Rien que nos premiers morceaux ont été écoutés, j'entendais déjà les mecs les chanter. Alors je travaille, j'évite que ça déraille pour aller au bout de cette grande étape qui pour moi est le rap. Je veux que ma vie soit sans aucun souci, donc ça y est, c'est parti. Mon rap c'est pas pour les petits, je veux des connaisseurs, je veux des rappeurs, des vrais sans fausse douleur, des gars qui bougent la tête, qui font les purs. Fait. Pas besoin de belle pompe, pas besoin de fusil à pompe, pas besoin de chopombe pour exprimer mon mécontentement que j'ai la rage à 15 ans. Écartez-vous de mon chemin, tête baissée, je serre les poings. Je viens prendre le devant avec mes moyens. Premier barrage, ce mec qui me gave, puisque je passe par la télé, je suis un loser. C'est quoi le gage? Faire la starac pour être connu, d'accord? Je refuse cash, je prends le devant. J'ai 17 ans, prépare-toi, vas-y, ouvre tes tympans. Écoute mon son, surtout n'éteins pas. Je crie ma rage, je crie mon bonheur. Il me suffit d'avoir une page pour écrire à 100 à l'heure. Regarde mes yeux, ils sont rouges, et encore mieux, je viens prendre le contrôle. Pas grave, c'en est fini de tragédie. C'est faux rappeur pour les gamines, on prend le devant, c'est bon, rapport de la mission. C'est fini chef morphineux, j'ai déployé les troupes et fini les chansons. On est prêt, ça y est, on prend le devant. La mission, notre son s'étend, on chante, tu nous entends. Ce rap, pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement. Le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission. La mission, notre son s'étend, on chante, tu nous entends. Ce rap, pas vu auparavant, la mission. Double face, aucun mécontentement. Le plaisir de rapper pour les gens, les rimes à 15 et 17 ans, c'est pas mal pour des débutants, car c'est la mission.